Mais là, est-ce qu'on va empêcher les citoyens dorénavant d'assister à une séance de conseil municipal? Ben, enfin, on va changer la façon dont la période des questions va se dérouler. T'sais. Enfin, on va... Je pense qu'on va essayer de mettre fin au niaisage un peu aussi par la bande en même temps, mais ce qu'ils veulent faire à la ville, là, c'est pas très compliqué, puis il y a longtemps que ça aurait dû être fait. Là. Je vois le titre ce matin du Journal de Québec, Forteresse. Là. C'est parce que c'est comme ça partout. Là. Je veux dire, c'est. Penses-tu, toi, que tu peux aller poser une question n'importe que t'as comment, quoi, t'as comme ça à l'Assemblée nationale, puis tu peux rentrer puis être assis à six pieds de Jean Charest puis poser une question à l'Assemblée nationale? La réponse c'est non, là. C'est bien évident que c'est non. Là. Dans un monde idéal, moi j'aimerais ça qu'on ait le contact direct avec les politiciens. Puis à l'étage municipal, je pense que c'est important, surtout quand on utilise ce privilège-là et qu'on s'en sert bien. Ouais, mon sauf nom que là. Est Dr. Louis-Jeanne Caron. Oui, votre question, s'il vous plaît, madame. Oui. Je constate que M. Côté aime encore les suivis, les processus, les événements, les semaines et les mois. Moi, je voudrais que, en tout temps, vos taxes au travail. De Chauveau. Oui. On puisse aller à l'aréna sans que on soit accueilli les fesses à l'air. Jusqu'ici. Les fesses à l'air. Et quelle est la question, madame? Sous l'œil attentif des policiers. Oui. Oui, votre question. J'avais fait une plainte à l'époque. Oui. Est-ce que ça se peut que l'idée d'interdire aux citoyens la séance de conseil municipal avant les questions, ça n'a rien à voir avec des questions de sécurité? En tout cas, ça n'a pas uniquement à voir, parce que là, ce qui va se passer, là, c'est que les citoyens vont être dans une salle à part, puis on va venir les chercher un par un. Quand ça va être le temps de poser une question, là, ils vont venir poser leurs questions après que quelqu'un soit allé chercher dans la salle à part. Là. Ils vont y aller pareil, la séance, là. Pour ce qui est de la séance, ils vont regarder ça, c'est une TV comme toi puis moi on fait en écoutant Canal Vox. Okay. Quand ça va être leur tour, ils vont aller dans la salle. C'est pas impossible que ces gens-là continuent d'y aller quand même. Mais moi, on m'a dit, ben franchement, la période de questions, là, puis pour écouter toutes les séances du conseil de ville, là, je suis plus sûr que c'est pertinent là, qu'il y en ait une actuellement. Puis sais-tu quoi, ça me fait chier de dire ça. Ça m'écœure de dire ça, parce que je trouve ça important. Mais là, ça va appartenir, je pense, au public de prouver qu'est encore utile la période de questions publique au conseil de ville. T'en veux-tu des preuves? Oui, non. Enveloppe des preuves. Monsieur le Président, je ne sais pas si vous êtes un usager des autobus de RTC, mais si utilisez nos autobus, vous avez sans doute remarqué que les sièges sont souvent salis par des usagers qui, malheureusement, mettent leurs pieds sur les sièges. Alors, je me demandais si le Président de RTC et le maire de Québec pourraient élaborer une stratégie ou trouver un moyen de convaincre la population, quand ils utilisent le transport en commun, de garder les deux pieds bien au plancher. Alors, Dion, oui. Voulez-vous... Et de ne pas mettre leurs pieds sur les sièges. On a compris votre question, on Monsieur pas les salir, Monsieur Landry. Monsieur Landry, on a compris la question. On n'a pas empêché d'autres. Monsieur Landry. Ton mononcle, ça, genre? Non, je suis pas parent c'est avec pas ton père M. Pierre Landry, là, qui est peut-être bien sympathique, mais qui nous fait perdre beaucoup de temps au conseil de ville. Tu comprends-tu, là, la période de questions, si vraiment les citoyens y tiennent, là, servez-vous-en pour poser des questions qui ont de l'allure, parce que moi, je pense qu'on est sur le bord d'être obligé d'éliminer ça carrément, quel temps qu'on perd. Là. Moi, je suis prêt à donner une autre chance à un autre citoyen. Ouais, OK, une autre chance. Pour prouver que c'est nécessaire. Ouais, OK. OK? Mm-hmm. Une autre chance. Pierre Landry, j'ai une question à poser à M. Dion aussi. C'est relativement à l'horloge numérique de la place Youville. Alors, encore récemment, l'horloge a cessé d'indiquer l'heure numérique. Là. Ça fait plusieurs fois depuis qu'on a cette horloge numérique à la place Joville. C'est gros. Elle arrête de fonctionner, elle est brisée ou je sais pas trop, elle est vandalisée. Je ne sais pas si le président du RTC s'est renseigné s'il y a une raison pour laquelle il y a des arrêts aussi fréquents de l'horloge numérique et s'il entend corriger cette situation et faire repartir bientôt l'horloge numérique de la place Joville. Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus? Oui, M. Dion, du RTC. Je vais prendre la question à délibéré, puis une prochaine. Réparer votre horloge, M. Dion? Raymond Dion, qui en manque pas une. Ouais. Fait que tu comprends que, un matin, là, la forteresse, puis quasiment comme si c'était une atteinte à la démocratie, là. Fuck off, OK? C'est parce que les gens s'en servent mal de la période de questions, puis On c'est dommage. 2012, hein? Puis, c'est vrai, t'as raison de le dire, puis c'est important. Ouais. C'est dommage parce que plus ça va, moins on a accès à nos politiciens, puis c'est un recours que je trouve vital dans le monde municipal d'être capable de s'approcher d'un micro, de regarder un élu puis de lui poser une question. C'est ça. Sauf que les gens, il y a de l'abus. Là. Les gens s'en servent pas bien. Ils abusent du temps qu'ont les élus. C'est n'importe quoi. De quoi tu parles? C'est pas vrai, ça! Non! J'aimerais poser une question au maire. J'aimerais savoir si aux prochaines élections, le maire a l'intention de présenter les candidats de son parti, équipe la bombe des représentants des communautés culturelles. Est-ce qu'il va y avoir des candidats qui appartiennent à d'autres groupes ethniques canadiens, français et irlandais? Monsieur Landry, je vous ferai remarquer que c'est pas une question sur l'administration de la ville. C'est une question politique que vous posez là. Monsieur le maire, avez-vous envie d'y répondre? Premièrement, il y a trois ethnies, il y a Canadien, Français, Irlandais, moi je suis un bleuet, alors ça fait trois ethnies. Ouais, je vais dire comme toi, c'est du temps perdu c'est avec l'argent des contribuables, ça là. C'est le conseil d'administration de la ville, on gère la ville, c'est un budget de plus d'un milliard, OK? Et on perd du temps avec des stupidités comme ça. Pas capable de blâmer la ville d'essayer d'encadrer ça d'une autre façon.